Chapitre 15, les mystères de Dolph. Anne Radcliffe. Montoni sourit ironiquement à ce qu'avait écrit Emily, mais il ne lui fit aucune objection. Elle se retira dans son appartement et commença une lettre pour Valancourt. Elle y rapportait les particularités de son voyage et son arrivée à Venise. Elle y décrivait les scènes les plus frappantes de son passage des Alpes, ses émotions à la première vue de l'Italie, les mœurs et le caractère du peuple qui l'entourait, et quelques détails sur la conduite de Montoni. Elle évita de nommer le comte Morano. Elle parla bien moins encore de la déclaration qu'il avait faite. Elle savait combien le véritable amour est prompt à s'effrayer. Le jour suivant, le comte dîna chez Montoni. Il était d'une rare gaieté. Émilie remarqua, dans ses manières avec elle, un air de confiance et de joie qu'il n'avait jamais eu. Elle s'efforça de le réprimer en redoublant sa froideur habituelle. Mais elle n'y réussit pas. Il parut épié l'occasion de l'entretenir sans témoin. Mais Émilie lui répliqua toujours qu'elle ne voulait rien entendre de ce qu'il ne voulait pas dire tout haut. Sur le soir, Madame Montoni et sa société allèrent se promener sur la mer. Le comte, en conduisant Émilie à son zendaletto, porta sa main jusqu'à ses lèvres et la remercia de la condescendance qu'elle avait daigné lui montrer. Émilie, surprise et mécontente, se hâta de retirer sa main et crut qu'il plaisantait. Mais quand au bas de la terrasse elle vit à la livrée que c'était le zendaletto du comte et que le reste de la société, s'étant arrêté dans les gondoles, était au moment de partir, elle résolut de ne point souffrir un entretien particulier et elle lui donna le bonsoir et retourna vers le portique. Le comte la suivit, priant et suppliant Montoni, qui parut et fit trêve aux sollicitations. Il prit Émilie par la main et la mena au zendaletto. Émilie priait tout bas Montoni de considérer l'inconvenance de cette démarche. « Ce caprice est intolérable, dit-il, et je n'y céderai point. Je ne vois ici nulle inconvenance. » De ce moment, l'éloignement d'Émilie, pour le comte, devint une sorte d'horreur. L'audace inconcevable avec laquelle il continuait de la poursuivre en dépit de son refus, l'indifférence qu'il témoignait pour son opinion particulière, tant que Montoni favoriserait ses prétentions, tout se réunissait pour augmenter l'excessive répugnance qu'elle n'avait jamais cessé de ressentir pour lui. Elle fut pourtant un peu moins mécontente en apprenant que Montoni serait de la partie. Il se mit d'un côté, Morano se plaça de l'autre. On ne dit pas un mot pendant que les gondoliers préparaient leur rame. Émilie frémissait de l'entretien qui suivrait ce silence. Elle eut enfin assez de courage pour le rompre par quelques paroles oiseuses, à dessein de prévenir les beaux discours de l'un et les reproches de l'autre. « J'étais impatient, lui dit le comte, de vous exprimer la reconnaissance que j'ai de vos bontés. Mais je dois aussi des remerciements au signor Montoni, qui m'a procuré l'occasion que je désirais si vivement. » Émilie regarda le comte avec un mélange de surprise et de mécontentement. « Quoi donc » continua-t-il. « Voudriez-vous diminuer le charme de ce moment délicieux? Pourquoi me rejeter dans les perplexités du doute et démentir, par vos regards, la faveur de vos dernières déclarations? Vous ne pouvez douter de ma sincérité, de toute l'ardeur de ma passion. Il est inutile, chèrement Émilie, sans doute il est bien inutile que vous cherchiez plus longtemps à déguiser vos sentiments. Si je les avais jamais déguisés, monsieur, reprit Émilie après avoir recueilli ses esprits, sans doute il serait inutile de dissimuler plus longtemps. J'avais espéré que vous m'épargnerez la nécessité de les déclarer encore, mais puisque vous m'y forcez, entendez-moi protester, et pour la dernière fois, que votre persévérance vous prive même de l'estime dont j'étais disposé à vous croire digne. » Pour le coup, s'écria Montoni, cela passe mon attente. J'avais reconnu des caprices dans des femmes, mais observez, mademoiselle Émilie, que si le comte est votre amant, moi je ne le suis point, et je ne servirai point de jouet à vos capricieuses incertitudes. On vous propose une alliance dont toute famille se trouverait honorée. La vôtre n'est pas noble, souvenez-vous-en. Vous avez résisté longtemps à mes remontrances. Mon honneur est maintenant engagé. Je n'entends pas souffrir qu'on y porte atteinte. Vous persisterez, s'il vous plaît, dans la déclaration que vous m'avez chargé de faire au comte. Il faut certainement que vous soyez dans l'erreur, monsieur, dit Émilie. Mes réponses sur ce sujet ont été constamment les mêmes. Il est indigne de vous de m'accuser de caprice. Si vous avez consenti, monsieur, à vous charger de mes réponses, c'est un honneur que je ne sollicitais pas. J'ai déclaré moi-même au comte Morano ainsi qu'à vous, monsieur, que jamais je n'accepterai l'honneur qu'il veut bien me faire, et je le répète. » Le comte regardait Montoni d'un air de surprise. Le maintien de celui-ci montrait aussi de la surprise, mais une surprise mêlée d'indignation. « Il y a ici autant d'audace que de caprice, dit-il enfin. Nierez-vous vos propres mots, madame ?»« Une telle question ne mérite point de réponse, monsieur, » reprit Émilie en rougissant. « Vous vous la rappellerez, et vous vous repentirez de l'avoir faite. » « Répondez catégoriquement, » répliqua Montoni, dont la voix s'élevait avec une nouvelle véhémence. « Voulez-vous nier vos propres mots? Voulez-vous nier que tout à l'heure vous avez reconnu qu'il était trop tard pour échapper à vos engagements? Que vous avez accepté la main du comte? Voulez-vous le nier? Je nierai tout cela parce qu'aucun mot de ma bouche n'a jamais rien exprimé de semblable. Nierez-vous ce que vous avez écrit à M. Quesnel, votre oncle? Si vous le faites, votre écriture portera témoignage contre vous. Qu'avez-vous à dire maintenant? Continua Montoni, se prévalant du silence et de la confusion d'Émilie. Je m'aperçois, monsieur, que vous êtes dans une grande erreur et que j'ai moi-même été trompé. Plus de duplicité, je vous en prie. Soyez franche et sincère si cela se peut. Je l'ai toujours été, monsieur, et je n'ai sûrement aucun mérite à cela. Je n'ai rien à dissimuler. Qu'est-ce donc que cela? S'écria Morano avec émotion. « Suspendez votre jugement, comte, » répliqua Montoni. « Les idées d'une femme sont impénétrables. À présent, madame, venons à l'explication. Excusez-moi, monsieur, si je suspends cette explication jusqu'au moment où vous paraîtrez plus disposé à la confiance. Tout ce que je dirai en ce moment ne servirait qu'à m'exposer, à l'insulte. »« Une explication, je vous prie, » dit Morano. « Parlez, » reprit Montoni. « Je donne toute confiance, écoutons. Souffrez que je vous conduise à un éclaircissement en vous faisant une question. » « Mille, si cela vous plaît, » dit Montoni dédaigneusement. « Quel était le sujet de votre lettre à M. Quesnel ?»« Et que pouvait-il être l'offre honorable du comte Morano ?»« Alors, monsieur, nous nous sommes tous les deux trompés étrangement. »« Nous nous sommes aussi mépris, je le suppose, » dit Montoni dans la conversation qui précéda la lettre. « Je dois vous rendre justice. Vous êtes ingénieuse à faire naître un malentendu. » Émilie tâchait de retenir ses larmes et de répondre avec fermeté. « Permettez-moi, monsieur, de m'expliquer entièrement ou de garder un silence absolu. »« Montoni, » s'écria le comte, « laissez-moi plaider ma propre cause. Il est évident que vous n'y pouvez rien. Toute conversation sur ce sujet, monsieur, dit Émilie, est au moins inutile. Si vous voulez m'obliger, ne la prolongez pas. » Il est impossible, madame, que j'étouffe une passion qui fait le charme et le tourment de ma vie. Je vous aimerai toujours, je vous poursuivrai avec une ardeur infatigable. Quand vous serez convaincu et de la force et de la constance de ma passion, votre cœur se fléchira à la pitié et peut-être au repentir. Un rayon de lune qui tomba sur la physionomie de Morano découvrit le trouble et les agitations de son âme. C'en est trop, s'écria soudain le comte. « Signor Montoni, vous m'abusez, et c'est à vous que je demande explication. »« À moi, monsieur ?»« Vous l'aurez, » murmura Montoni. « Vous m'avez trompé, » continua Morano, « et vous voulez punir l'innocence du mauvais succès de vos projets. » Montoni sourit dédaigneusement. Émilie, épouvantée des suites que cette dispute pouvait avoir, ne put garder le silence plus longtemps. Elle expliqua le sujet de la méprise. Elle déclara qu'elle n'avait entendu consulter Montoni que sur la location de la vallée. Elle conclut en le priant d'écrire sur le champ M. Quesnel et de réparer cette erreur. Le comte Morano se contenait à peine. Néanmoins, tandis qu'elle parlait, l'attention de l'un et de l'autre était captivée par ses diseurs. Et son effroi, à peu près calmé, Montoni pria le comte d'ordonner qu'on revînt à Venise, et lui promit alors un entretien particulier. Morano se rendit à sa demande. Émilie, consolée par la perspective de quelque repos, employa ses soins conciliants à prévenir toute explosion entre deux personnes qui venaient de la persécuter et même de l'insulter sans ménagement. Elle reprit un peu ses esprits quand elle entendit encore une fois les chansons et les rires qui résonnaient sur le grand canal, le Zendaleto. Le Zendaleto s'arrêta sous la maison de Montoni. Le comte conduisit Émilie dans une salle où Montoni la prit par le bras et lui dit quelque chose à voix basse. Morano baisa la main qu'il tenait, nonobstant l'effort d'Émilie pour la dégager des siennes. Il lui souhaita le bonsoir avec un accent et un regard dont l'expression n'était pas douteuse, et retourna au Zendaleto, accompagné de Montoni. Émilie, dans son appartement, considéra avec une extrême inquiétude la conduite injuste et tyrannique de Montoni, la persévérance impudente de Morano, et sa triste situation elle-même, loin de ses amis et de sa patrie. Elle regardait en vain Valancourt comme son protecteur. Il était retenu loin d'elle par son service. Mais c'était au moins une consolation de savoir qu'il existait dans le monde une personne qui partageait ses peines et dont les vœux ne tendaient qu'à l'en délivrer. Elle résolut néanmoins de ne pas lui causer une douleur inutile, en lui disant pourquoi elle regrettait d'avoir rejeté le jugement qu'il portait sur Montoni. Ce regret n'allait pourtant pas jusqu'à la faire repentir d'avoir écouté le désintéressement et la délicatesse, et d'avoir refusé la proposition d'un mariage clandestin. Elle fondait quelque espoir sur sa prochaine entrevue avec son oncle. Elle était décidée à lui peindre sa détresse et à le prier de permettre qu'elle l'accompagnât, lui et Madame Quesnel, à leur retour en France. Elle se souvint tout à coup que la vallée, sa demeure chérie, son unique asile, ne serait plus à elle de longtemps. Ses larmes coulèrent abondamment. Elle craignit de trouver peu de pitié dans un homme comme M. Quesnel, qui disposait de sa propriété sans daigner même la consulter, et congédiait une servante âgée et fidèle, qu'il laissait sans ressources et sans asile. Mais quoiqu'il fût certain qu'elle n'avait pas eu de maison en France, et qu'elle s'y connût peu d'amis, elle voulait y retourner et se dérober s'il lui était possible, à la domination de Montoni. Sa tyrannie envers elle, sa dureté envers les autres, lui paraissait insupportable. Mais elle n'avait pas le désir d'habiter avec son oncle, M. Quesnel. La conduite de celui-ci à l'égard de son père et d'elle-même suffisait bien pour la convaincre qu'elle ne ferait que changer d'oppresseur. La conduite de Montoni dans sa lettre à M. Quesnel lui paraissait singulièrement suspecte. Elle pouvait dans le principe avoir été trompée, mais elle craignait qu'il ne persistât volontairement dans son erreur pour l'intimider, la plier à ses désirs et la forcer d'épouser le comte. Que cela fût ou non, elle n'en était pas moins empressée de s'expliquer avec M. Quesnel. Elle considérait sa prochaine visite avec un mélange d'impatience, d'espérance et de crainte. Le jour suivant, Madame Montoni, seule avec Émilie, parla du comte Morano. Elle parut surprise que la veille elle n'eût pas joint les autres gondoles et qu'elle eût repris si brusquement la route de Venise. Émilie raconta tout ce qui s'était passé. Elle exprima son chagrin de la méprise arrivée entre elle et Montoni et pria sa tante d'interposer ses bons offices pour qu'il donnât enfin au comte un refus décisif et formel. Mais elle s'aperçut bientôt que Madame Montoni n'ignorait pas le dernier entretien quand elle avait commencé celui-ci. « Je n'ai pas la prétention, ma nièce, de rien comprendre à ce fatras de beaux sentiments. Vous en avez la gloire à vous toute seule, mais je voudrais vous enseigner un peu de bon sens et ne pas vous voir la merveilleuse sagesse de mépriser votre bonheur. Cela ne serait plus sagesse, mais folie, dit Émilie. La sagesse n'a pas de plus belle perspective que celle d'arriver au bonheur. Vous accorderez, madame, que nos idées peuvent différer quant au bonheur. Je ne doute pas que vous ne désiriez le mien, mais je crains que vous ne vous trompiez dans les moyens de me le procurer. Je ne me vante point, ma nièce, d'une éducation aussi savante que celle qu'il a plu à votre nez. Je ne me pique point de comprendre ces belles dissertations sur le bonheur. Pareille réflexion sur la mémoire de son père méprisa ce discours comme il méritait de l'être. Et Arenti, Montoni n'adressa pas une seule fois la parole à Émilie. Ses regards exprimaient son ressentiment, mais Émilie s'étonnait beaucoup qu'il pût s'abstenir d'en renouveler le sujet. Elle fut encore plus surprise de voir que pendant les 3 jours, le comte ne parut pas et que Montoni ne prononça pas même son nom. Plusieurs conjectures s'élevèrent dans son esprit. Elle craignait quelquefois que la querelle ne se fût renouvelée et ne fût devenue fatale au comte. Quelquefois, elle penchait à espérer que la lassitude et le dégoût avaient suivi la fermeté de son refus et que ses projets étaient abandonnés. Enfin, elle se figurait encore que le comte recourrait au stratagème, suspendait ses visites, obtenait de Montoni qu'il ne le nomma pas, dans l'espoir que la reconnaissance et la générosité feraient tout sur elle, et détermineraient un consentement qui n'attendait plus de l'amour. Elle passait le temps dans ses vaines conjectures, cédant tour à tour à l'espérance et à la crainte. Montoni se mit en route pour Mialenti, et ce jour, comme les précédents, s'écoula sans voir le comte et sans entendre parler de lui. Montoni s'étant décidé à ne point quitter Venise avant le soir, pour éviter les chaleurs et jouir du frais de la nuit, on s'embarqua pour gagner la Brenta 1 heure avant le soleil couché. Émilie, assise seule près de la poupe, contemplait en silence les objets qui fuyaient à mesure que la barque avançait. Elle voyait les palais disparaître peu à peu, confondus avec les flots. Bientôt les étoiles succédèrent aux derniers rayons du soleil couchant. Une nuit tranquille et fraîche vint l'inviter à de douces rêveries, qui n'étaient troublées que par le bruit momentané des rames et le faible murmure des eaux. Cependant, on arrive à l'embouchure de la Brenta. Des chevaux sont attelés à la barque, et la font remonter rapidement entre deux rives, cornées à l'envi des bois élevés, des jardins voluptueux, de riches palais et des bosquets parfumés, de myrtes et d'orangers. Émilie, rappelée à de tendres souvenirs, songea alors aux belles soirées qu'elle avait passées à la vallée. Elle se souvint de toutes celles que, près de Toulouse, elle avait passées avec Valancourt dans les jardins de sa tante. Perdue dans ses tristes rêveries et répandant souvent des larmes, Émilie fut appelée par Montoni. Elle le suivit dans sa cabane. Des rafraîchissements y étaient disposés, et sa tante s'y trouvait seule. La physionomie de Madame Montoni était enflammée d'une colère, dont la cause semblait être une conversation qu'elle venait d'avoir avec son époux. Montoni la regardait avec un air de courroux et de mépris, et tous deux, quelque temps, gardèrent le silence. Montoni parla à Émilie de Kenen. « Vous ne comptez pas, j'espère, persister à soutenir que vous ignorez le sujet de ma lettre. Depuis votre silence, j'avais espéré, monsieur, qu'il n'était plus nécessaire d'insister et que vous aviez reconnu votre erreur. »« Vous avez espéré l'impossible, s'écria Montoni. Il eût été aussi raisonnable à moi d'attendre de votre sexe une conduite conséquente de la franchise, qu'à vous d'imaginer que vous pourriez me convaincre d'erreur. » Et Émilie rougit et garda le silence. Elle aperçut trop clairement qu'elle avait en effet espéré l'impossible et que là où il n'avait point existé d'erreur, on ne pouvait amener la conviction. Il était évident que la conduite de Montoni n'avait point été l'effet d'une méprise, mais celui d'un dessein concerté. Impatiente d'échapper à une conversation aussi affligeante qu'humiliante pour elle, Émilie retourna sur le tillac et reprit sa place près de la poupe. sans redouter le froid. Il ne s'élevait aucune vapeur des eaux, et l'air était sec et tranquille. Là, du moins, la bonté de la nature lui accorda le repos que Montoni lui refusait. Lorsque, éveillé par la voix d'un des guides ou par quelques mouvements dans la barque, elle retombait dans ses réflexions. Elle songeait d'avance à la réception que lui feraient M. et Mme Quesnel et ce qu'elle dirait au sujet de la vallée. Puis elle tâchait de détourner son esprit d'un sujet aussi fatigant, en s'amusant à distinguer les détails du beau pays qu'on apercevait au clair de lune. Pendant que son imagination s'égarait ainsi, elle découvrit un bâtiment qui s'élevait au-dessus des arbres. À mesure que la barque s'avançait, elle entendait des voix. Bientôt, elle distingua le portique élevé d'une belle maison, ombragée de pins et de sycomores. Elle la reconnut pour la maison même qu'on lui avait montrée, comme la propriété du parent de Mme Quesnel. La barque s'arrêta près d'un escalier de marbre qui conduisait à terre. Les arcades du portique étaient illuminées. Montoni envoya un de ses gens et débarqua avec sa famille. Ils trouvèrent M. et Mme Quesnel au milieu de quelques amis, assis sur des sofas, sous le portique, jouissant du frais de la nuit, mangeant des fruits et des glaces, tandis que plusieurs domestiques, à quelque distance, formaient une jolie sérénade. Émilie était accoutumée aux mœurs des pays chauds et ne fut point surprise de trouver M. et Mme Quesnel sous leur portique, à 2 heures après minuit. Après les compliments d'usage, la compagnie se plaça sous le portique et d'une salle voisine, où était étalée une profusion de mets, de nombreux serviteurs apportèrent des rafraîchissements. M. Quesnel entretint particulièrement Montoni de ses propres affaires avec son ton ordinaire d'importance. Il vanta ses nouvelles acquisitions et plaignit avec affectation Montoni de quelques pertes récentes que celui-ci avait essuyées. Ce dernier, dont l'orgueil était du moins capable de mépriser une telle ostentation, découvrait aisément, sous une feinte compassion, la véritable malignité de Quesnel. Il l'écouta avec un dédaigneux silence, et quand il eut nommé sa nièce, ils se levèrent tous les deux et se promenèrent dans les jardins. Émilie, cependant, se rapprocha de Mme Quesnel, qui parlait de la France. Le nom même de sa patrie lui était cher. Elle trouvait du plaisir à considérer une personne qui en sortait. Ce pays, d'ailleurs, était habité par Valancourt. Elle écoutait Mme Quesnel dans le bien faible espoir que peut-être elle pourrait le nommer. Mme Quesnel, qui, pendant son séjour en France, parlait avec extase de l'Italie, ne parlait en Italie que des délices de la France et s'efforçait d'exciter l'étonnement et l'envie en racontant toutes les belles choses qu'elle avait eues le bonheur d'y voir. Émilie attendit en vain le nom de Valancourt. Madame Montoni parla à son tour des charmes de Venise et du plaisir qu'elle se promettait en visitant le château de Montoni dans l'Apennin. Ce dernier point n'était mis en avant que par vanité. Émilie savait bien que sa tante prisait peu les grandeurs solitaires, et celles surtout que présentait le château de Dolphe. La conversation continua. On se chagrina mutuellement autant que la politesse pouvait le permettre par une réciproque ostentation. Couchés sur des sofas, sous un élégant portique, environnés des prodiges de la nature et de l'art, des êtres sensibles eussent éprouvé des mouvements de bienveillance, d'heureuses dispositions, et eussent cédé avec transport à toutes les douceurs de ces enchantements. Bientôt après le jour parut. Le soleil se leva et permit aux yeux surpris de contempler le magnifique spectacle qu'offraient au loin les montagnes couvertes de neige, leurs cimes garnies de vastes forêts et les riches plaines qui s'étendaient à leurs pieds. Les paysans qui se rendaient au marché passaient dans leurs bateaux pour aller jusqu'à Venise et formaient un tableau nouveau sur la Brenta. Les parasols de toiles peintes que la plupart portaient pour se garantir du soleil, les piles de fruits et de fleurs qu'ils arrangeaient dessous, la parure simple et pittoresque des jeunes filles, tout l'ensemble était aussi riant que remarquable. La rapidité du courant, la vivacité des rames, le cœur de tous ces paysans qui chantaient à l'ombre de leurs voiles, le son de quelque instrument champêtre touché par quelque jeune fille auprès de sa rustique cargaison. Il semblait que la scène eût pris un caractère de fête. Quand Montoni et M. Quesnel eurent joint les dames, on se promena dans les jardins, dont la charmante distribution réussit à distraire Émilie. Cependant, le soleil s'élevait sur l'horizon, et la chaleur commençait à se faire sentir. La compagnie quitta le jardin, et chacun alla chercher le repos.